l'essentiel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Adrenaline, mortals. paisible, dans ces rues tranquilles. Une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Eureka, l'émission. Eureka, l'émission. We'll be right back. Bonsoir les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. Moi j'ai écouté tout à l'heure dans la voiture avant de venir, il y avait de la bonne musique portugaise, l'émission présentée par Manuel depuis quelques temps. On a le plaisir d'écouter de la musique comme on n'entend pas dans les autres radios orléanaises, il faut quand même l'avouer. Et en plus, cette année, on est un petit peu en manque, il n'y a pas eu la fête des 5 populaires organisée habituellement par Radio Arc-en-Ciel. On s'attrapera l'année prochaine, je suppose en tout cas. Et ça nous remet un petit peu dans cette ambiance. Donc, à partir de 20h30, le vendredi soir, c'est l'émission Mavrika. L'émission Mavrika, c'est l'émission avec les artistes qu'on peut rencontrer. Ils peuvent venir de très loin, mais ils peuvent venir de très près. La plupart des gens que nous diffusons sont des personnes qui sont venues dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisque ça fait 10 ans. 451e émission ce soir. Donc pendant 10 ans, on a reçu énormément de groupes. D'ailleurs, on va vous présenter un petit peu les groupes qu'on a commencé à diffuser. Alors, on a commencé l'émission avec Adrenaline Motors. Avec le titre Adrenaline Motor, ça c'est un groupe qu'on n'a pas encore reçu mais qu'on a découvert il y a peu de temps et qu'on a beaucoup de plaisir à écouter et à diffuser et à partager en tout cas sur Radio Arc-en-Ciel. Neutol avec I Don't Care, un autre groupe aussi qu'on aura le plaisir sûrement dès que ça reprendra un petit peu de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe Mean Circle avec Good News, ceux-là on les a reçus ici, ils avaient interprété des morceaux en direct live. D'ailleurs il va falloir qu'on fasse une émission spéciale avec que des morceaux enregistré ici dans les l'émission Mavrika. Donc ils étaient venus dans les studios Radio Arc-en-Ciel, le groupe Min Circle, et on a écouté le morceau Good News. Et juste à l'instant, juste avant le morceau générique de cette émission Mavrika, nous avons écouté Tia, alors superbe voix, des superbes musiciens. Ils sont venus eux aussi dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, si vous voulez venir, si vous avez un groupe, si vous voulez venir, eh ben on va essayer de remettre ça en route progressivement, parce que ça va se faire. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va pas rester comme ça. Pour l'instant, on fait des émissions, je suis tout seul dans les studios. J'ai plein de cassettes, hein, comme j'ai fait sur l'affiche de l'émission de ce soir. Plein de cassettes à vous diffuser, on va dire ça comme ça. C'est des enregistrements aujourd'hui, c'est du numérique, hein, vous inquiétez pas. Et puis on a plein de morceaux à diffuser, donc. Et puis après, on va remettre ça en route, et puis il y aura à nouveau des invités en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 451. On va continuer à écouter pas mal de musique. Alors je vais essayer de changer d'une fois à l'autre. Il y a toujours des gens qui me disent, tiens, t'as pas diffusé tel groupe, donc je le note, hein, pour les émissions suivantes. Donc ce soir, il y aura des groupes qu'on a déjà diffusés, des groupes qu'on va découvrir à nouveau, et des groupes qu'on a peut-être un petit peu oubliés, qu'on va remettre au goût du jour. En tout cas, juste après, on va écouter Theo Lawrence and the Earth, un groupe que j'ai eu la chance d'interviewer lors de Balade en Musique il y a quelques temps, un superbe groupe. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Stinky Inky. Et juste après, Les Vilaines Choses avec Obaldeco Porte, Les Vilaines Choses qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, une super découverte, des gars super sympas, beaucoup d'humour, et ça on aime ça. Et puis après, il y aura aussi L'Ajari avec Liverpool, le groupe L'Ajari qui nous fait le plaisir de venir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel tous les ans. C'est vraiment un plaisir de les avoir. Et puis vous pouvez les suivre sur internet, ils diffusent pas mal de petites vidéos. Il vous oublie pas, vous, le public. En tout cas, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Restez avec nous. We never needed you more. The Lord knows what for. That day, never let me travel the USA again.

enfants s'éveilleront, ce siècle aura leur peau. D'imprudence a effet neutron, un peu de valium pas trop. Dans des nuages de fumée bleue, que deviennent les grands espaces? Un seul Stone Age au milieu, New Point Zero en surface. Ce siècle aura notre peau, un peu de valium pas trop. Les industries, les entrepôts naissent sous X sans mots. L'automne de glace fait des merveilles et la terre subit l'assaut. Des aiguilles piquent au réveil quand le ciel s'ouvre au couteau. Sous voûte céleste zéro, en éclat de réel, une terre creuse pour nos yeux et l'amour universel. Radiation sur corps radieux, déliquescence charnelle. S'il reste des fragments de lumière, comme nos seuls désirs, un sol sec et sans scrupules régule nos martyrs. Il reste un règne totalitaire, des usines empires, où selon un vague calcul, peu de l'apocalypse droit des fiers, une pancarte dans le dos. Selon Saint-Jean, tout est clair jusqu'à broyer nos os. Feu sur glace et glace en feu, quand le vrai se déchire. Faux orgasmes, faux enjeux, dis-moi où est le plaisir. Brave la vie, brave la mort, quand plus rien ne palpite. Hors de lave, le trésor, la pépite, c'est la fièvre. C'est la fièvre des bullshit dans les nerfs des amanites. Ouais, c'est le nouvel ordre mondial. On t'avait prévenu. C'est le nouvel ordre mondial. Dans la fièvre des bullshit.

groupe Control Z sur Radio Arc-en-Ciel avec un morceau qui s'appelle Dark City. Juste avant, c'était Arno Walden, Sleeping Satellite. Encore avant, c'était Accident Instantané, Les Collines de l'Exil. Donc, un groupe qui est déjà venu à plusieurs reprises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Un projet, puisque c'est un monsieur tout seul, c'est Johan. On le salue bien s'il nous écoute. Arno aussi est venu à plusieurs reprises déjà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Encore avant, c'était Esprit d'Escalier, un groupe qui a gagné le tremplin de balade en musique l'année dernière et qui devrait normalement faire un concert à la Chapelle Saint-Mémin, et on va essayer d'organiser ça. Ça devrait se faire. Donc Esprit d'Escalier avec un morceau qui s'appelle Slave Train. Bon, je pense que c'est comme ça. Encore avant, une découverte dans cette émission. Je devais déjà le passer dans la semaine dernière. Donc j'ai eu un petit problème de fichier. Cette fois-ci, j'ai restauré tout ça. Donc on a écouté un groupe qui s'appelle Angeville. C'est la première fois. Je sais pas si ça se prononce comme ça ou Angeville, je sais pas. Et le morceau s'appelle Deep Whip. Juste après, on va écouter un petit peu de musique toujours. Ça fait presque une heure qu'on est ensemble. On a encore deux heures à être ensemble. Donc plein de musiques sont déjà programmées. On va continuer avec Custom High Track. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Voilà. J'ai un t-shirt Ramon sans savoir qui c'est vraiment. Des chaussures pointues et un slim bien moulant. J'ai le look coco, j'suis un vrai rocker. J'porte même le perfecto que m'a prêté ma sœur. J'ai sorti 4 albums en étant à peine majeur. Mais rien à voir avec le fait que papa soit producteur. Mon dernier tu passes à la radio du soir au matin. J'ai passé au moins 3 nuits blanches à écrire le refrain. Ça fait oh, superstar du showbiz, ma Cora, Philippe Manœuvre, hey, je leur fais la bise. Dès que je gratte 3 accords sur scène, les filles deviennent folles. Je provoque souvent des émeutes à la sortie des écoles. Avec le temps qu'on traîne dans les parcs du 16e, on a tous arrêté des études, ce n'était plus la peine. On passe toutes nos journées à écrire, à composer. Le dernier hit que tu verras forcément à la télé. Yeah. worm, I was a meme when I couldn't get a sleep. When I was brought to that stew, whatever I should do. Something does feel wishing to recall, and I meant to sound true. My head exploded, my blood went blue. Sorry, by a woman I know, I come to love him, steal the show. She ain't exactly pretty, and exactly smell. Don't you feel nice to the sex? You can say it's in your blood. Oh, We'll be right back. by the seasons. Cause my heart longs forever. When my dreams by the seasons. Cause my heart longs forever. We're just fake. We're just fake. We're just love. We're just lame. Une fois de plus, une émission très musicale, hein, beaucoup de musique, j'interviens très peu, mais à chaque fois je vous présente tous les groupes qu'on diffuse dans l'émission Mavrika. Depuis le début, on en a écouté pas mal, hein. À la limite, je pourrais faire un récapitulatif. Il y en a un déjà sur la page internet, sur la page Facebook de l'émission Mavrika. Donc, je la mets à jour au fur et à mesure que je diffuse des morceaux. Comme ça, il y a pas d'erreur. Alors, là, on vient d'écouter un groupe que nous avons reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ce groupe s'appelle Summer Chains. Le titre que nous avons écouté s'appelle Astronaut. Juste avant, c'était le groupe Iron Trooper, un groupe tribute des Iron Maiden, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Speed of Light. Juste avant, encore un groupe tribute, cette fois-ci c'était de AC/DC, avec un groupe qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais en tout cas on a les enregistrements et on vous les diffuse avec beaucoup de plaisir. C'était If You Want the Blood par les Gun Rocking. Et si vous aimez aussi AC/DC, juste avant, encore un autre groupe tribute, c'était Scott avec Wall Lotta Rosie. Voilà, j'ai réussi à le dire. Encore avant, il y avait les groupes Redshift, un groupe de Paris qui devait venir dans l'émission Mavrika. Bon, pour l'instant, on est à mi-tour en stand-by, mais on va relancer ça petit à petit. Donc, on va commencer à recevoir des invités. Alors, ça va pas se faire comme ça d'un coup. Donc, pour l'instant, je vous tiendrai au courant dès que ça sera possible. On va essayer de remettre tout ça en place et revenir à des émissions Mavrika comme on faisait jusqu'à présent. Encore avant, on a écouté les Orpheum Black avec le titre Midnight. Les Trois Fromages avec B.B. Rocker, De Ruiz avec Laissons Entrer le Soleil, Paradox avec un teaser dans l'émission numéro 330, donc c'était un morceau enregistré en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Paradox, qui existe toujours, hein. Les membres ont un peu changé, mais si vous avez l'occasion, si vous aimez la musique qui envoie, quoi, ça envoie bien, le groupe Paradox, donc... Encore avant, un groupe qu'on n'a jamais reçu, mais voilà, j'avais envie de vous le passer. Parce que peut-être aussi, parce que les Paradox avaient repris ce morceau-là. Ça s'appelle Dormir dehors, c'était l'original. Donc cette fois-ci, c'était Daran et les chaises. Encore avant, le groupe qui devait participer au Mavrika Live, ça a été annulé. Donc j'espère qu'ils seront présents pour le prochain. Le prochain, ça sera le Mavrika Live numéro 12. Hein. On est toujours au numéro 12, qui aurait dû avoir lieu là au mois de mai. Donc ça sera décalé normalement au 21 novembre. On vous tiendra au courant d'ici là. Et justement, on a écouté quand même le groupe Custom, un groupe qu'on n'a pas encore reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Peut-être ça va se faire avant le Mavrika Live ou pas, on verra bien. Donc le morceau qu'on a écouté s'appelle I Cry. encore avant, bah, c'était la musique un petit peu électro. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'écouter ce genre de musique dans l'émission Maverika, mais de temps en temps, bah, ça fait du bien aussi. Hein. C'était Control Z avec Dark City. Voilà. Depuis le début de l'émission, on avait écouté aussi Adrenaline Motor, Night Owl, Mean Circle, Tia, Theo Lawrence and the Heart, Les Vilaines Choses, La Jarry, Angeville, Esprit d'Escalier, Accident Instantané, Arnaud Walden. Voilà. Il y a encore plein de musiques qu'on va écouter. Alors là, j'ai envie de vous faire écouter un artiste qui est venu il n'y a pas très longtemps, qu'on avait eu la chance de voir aussi en concert à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, il est tout jeune et puis je suis sûr qu'il va continuer à grimper en vitesse grand V. Il s'est enregistré aussi pendant le confinement, donc tous les jours il faisait un enregistrement où il a repris pas mal de bonnes musiques en plus. Il a des bons goûts ce petit gars-là. Il s'appelle Mathis Poudin et il a sorti un album qui s'appelle Nouvelle Saison et je vous propose d'écouter tout de suite Mathis Poudin avec le titre Nouvelle Saison. Un an en Arabie Saoudite, je m'appelle Ali, je suis un chiite, je m'oppose à la royauté, à cette dictature. Je dois être décapité pour avoir insulté ses ordures. Libérer notre pays, délivrer notre nation, entendez nos cris, faites-nous vivre une nouvelle saison. Gandhi, nous ferons fleurir nos passions, délivrons l'Arabie en route vers la libération. Moi je me présente en gros, je suis en Arabie Saoudite, je suis un bourreau, mon métier, je décapite. Ce petit-là s'est révolté contre le régime. C'est à moi de le tuer, c'est pour la bonne cause. Enfin j'imagine. Libérer notre pays, délivrer notre nation. Entendez nos cris, faites-nous vivre une nouvelle saison. À l'instar de Gandhi, nous ferons fleurir nos passions. Délivrons l'Arabie en route vers la libération. Que ma vie est pourrie et ma conscience aussi. J'ai pas dû cocher la bonne case quand on m'a demandé ce que je voulais faire de ma vie. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Maintenant ça suffit. Libérer notre pays, délivrer notre nation. Entendez nos cris, faites-nous vivre une nouvelle saison. À l'instar de Gandhi, font fleurir nos passions, délivrons l'Arabie en route vers la libération, libérer notre pays, délivrer notre nation, entendez nos cris, faites-nous vivre une nouvelle saison, l'étendard sera brandi, nous ferons fleurir nos passions, délivrons l'Arabie en route vers la libération. Bienvenue en France, bienvenue en France,

la one one will askan we wanyego la one we will sunu kholya namdalu ganao nangu sundami waliyan yiri tira khlayo jabe jabe yiri waliyan romdok gimana istanbul wala grade saray waye suñu señor ñom dal du nu re re re re nu re ri ci ala be right gën ya bo di man fer to nu we san mette san re rek mo nu ta we sorinalen pichi dunya jam sorewulen pichi rumta lañu son amñu baye sen jabot sen dundu ki melni araya wala romba istanbul wudi tawfiq ngir dundal sen jabot ñam dal mo len taxare way darewulen way terewulen sigil sen jom jom dal dañu bañare nu reri ci alawe rek ngir ñu bojji man fe sunu we sen metti sen rek mo ta howe fout la vieux. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Myself, my love, my fortune. Yeah.

Est-ce que vous réalisez quand les gens ils se mettent en grève, quand ils vont le syndicat, la porte est fermée, il n'y a rien, on vous laissera crever. Alors qu'est-ce qui va se passer? Passe très vite sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. Voilà, on diffuse énormément de titres hein, à la suite les uns des autres et essaie d'interrompre le moins possible hein. C'est une émission musicale. Pour l'instant je suis tout seul dans les studios, donc il y a eu beaucoup de contacts avec les gens, les auditeurs, les musiciens hein, parce qu'il faut savoir aussi que parmi les auditeurs il y a énormément de musiciens puisque c'est l'émission des musiciens de la région orléanaise et plus. Donc on voudrait remercier quand même tous les gens qui sont intervenus sur le Facebook de l'émission, ceux qui nous ont appelés, donc j'en citais quelques-uns, j'espère que je n'oublierai personne. Si j'oublie quelqu'un, vous me le dites et puis la prochaine fois je me rattraperai, il n'y a pas de souci. Donc déjà Mickaël des Summer Chains, Christophe des Prism A et aussi de Aaron Trooper, le guitariste des Aaron Trooper, Fabien, Aurélie, Marie-Noël, William, Marc, Guillaume, Thomas, Philippe, Mathis, Gilles, Benjamin, Benoît du groupe Lajari, David McCann aussi, qui je sais qu'il y a un beaucoup de personnes qui nous écoutent régulièrement. Voilà, en tout cas, nous, on a passé plein de bonnes musiques. Je voulais dire les dernières, hein, simplement. Je ne vais pas recommencer depuis le début parce qu'il y a quand même un bon paquet. Hein. Toute la liste, vous pouvez la retrouver sur le Facebook de l'émission Morica. Il y a toute la liste. Et si vous avez des propositions à faire pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à les marquer. Si vous avez des morceaux à envoyer, n'hésitez pas aussi. Hein, vous connaissez l'adresse de l'émission Morica, maverica@live.fr. Ça, on ne peut pas faire plus simple, hein, de toute façon. Donc vous pouvez les envoyer, ou alors si vous avez oublié, si vous ne savez pas du tout, le Facebook il est là, vous nous envoyez les petits messages et on fera la programmation que vous désirez pour la prochaine fois. En tout cas, on va essayer d'avoir tous les morceaux. Alors il y en a eu plusieurs dans l'émission qui nous ont envoyé justement des morceaux et on les diffusera avec beaucoup de plaisir. On arrive à la fin de cette émission, l'émission passe très vite et on a encore un peu moins de 15 minutes. Si on dépasse un peu, je pense que Radio Arc-en-Ciel ne m'en voudra pas parce que j'ai programmé quand même plusieurs morceaux. On va les écouter jusqu'à la fin. En tout cas, on a passé un bon moment, en tout cas, moi personnellement, ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Merci à tous ceux qui nous m'accompagnent parce que finalement, je suis tout seul dans les studios, mais il y a quand même des gens qui sont autour de moi, qui m'envoient des petits messages, qui m'envoient des messages sur le Facebook, qui m'envoient aussi des petits messages sur le téléphone. Et puis aussi, le téléphone est là aussi, hein, sur Radio Arc-en-Ciel. Si vous avez envie de nous appeler, il n'y a pas de souci. En tout cas, cette émission touche à sa fin. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit, même heure. C'est à partir de 19h30. Hein. C'est plus 20h30 hein, à l'émission Maverica. C'est comme ça pour l'instant. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va dire les phrases magiques aussi. Hein. C'est la première, c'est que le rock and roll soit avec vous. Everything is gonna be alright. Et une vie sans musique serait une erreur. Voilà, cette émission se termine. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont écouté cette émission simplement. Parce que tout le monde n'intervient pas. Moi, j'écoute le premier. J'écoute beaucoup la radio. J'appelle pas tous les jours. Donc voilà, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir de savoir que ça vous fait plaisir d'écouter l'émission Maverica. Aujourd'hui, c'était l'émission numéro 451e. Bientôt la 500e. Hein, on s'en approche. Et bientôt, on va commencer à recevoir des invités. Alors au début, donc on va essayer d'organiser tout ça, ça va se faire et on va revenir à Maverica comme vous le connaissez, comme vous avez l'habitude d'écouter. Mais en attendant, pour l'instant, on diffuse le maximum d'artistes. Les artistes sont venus dans l'émission et qu'on aime beaucoup en tout cas. Voilà, cette émission continue encore. Je vais vous dire les gens qu'on vient d'écouter. Alors on vient d'écouter à l'instant, c'était Fangio, c'était un titre de Darcy. Juste avant, c'était les Trigone Plus avec À ma merci. Encore avant, c'était un groupe que nous avons reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Brigitte Bop avec Mayday, Mayday. Les Ice Cream aussi, voilà. Ice Cream, c'est un des premiers groupes que j'ai reçu dans l'émission Maverica. On les suit depuis très longtemps. En ce moment, je pense qu'ils sont en stand-by puisqu'on n'entend pas trop parler d'eux. En tout cas, c'est un excellent groupe que j'adore humainement comme musicalement. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Hey Girl. Encore avant, c'était Zbla qu'on a découvert cette année avec Lone Shaker. Encore avant, c'était Uncommon Man from Mars avec Live Bus Stop. J'adore ce morceau-là, j'adore ce groupe-là. Voilà. Les Son of Distortion avec Night Chief. Et encore avant, donc je vous l'avais présenté tout à l'heure, il s'agissait de RN6 avec Anne. Voilà, les RN6 qui font d'habitude des morceaux de 1 minute. Alors j'ai du mal à trouver un morceau de 3 minutes et quelques dans l'album. D'habitude, ils font 1 minute 20 ou un truc comme ça. C'est vraiment très rapide. Mais en tout cas, j'adore ce groupe-là. Je les ai déjà vus en concert au moins à 2 reprises. Et s'ils repassent, j'hésiterai pas à retourner les voir. Voilà. On se dit au revoir, hein, même si l'émission continue. Restez avec nous. Et de toute façon, écoutez Radio Arc-en-Ciel. Chaque émission est un petit peu différente les unes des autres. Arc-en-Ciel, c'est l'émission différente. Voilà, cette émission se termine très bientôt. Restez avec nous pour les derniers titres. Alors, les derniers titres, je vais vous les citer quand même. Il y aura Laura Cox juste après que j'ai eu la chance d'interviewer en direct hein, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Elle était au téléphone. On écoutera un morceau qui s'appelle Hard Blues Shut. Ensuite, A Movement of Return, donc à mort, si on prend les initiales. Un groupe qui devait venir dans l'émission Maverica, ça a été annulé, mais on va reprendre contact, ils vont venir de toute façon. Le titre, c'était Thunder. Le groupe Warless, pareil, un groupe qui devait venir aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on avait des contacts. Pour l'instant, il n'y a pas d'émission programmée, mais encore un groupe qu'on aimerait recevoir avec plaisir. Le morceau s'appelle Evening Has Gone et on terminera avec Silence Radio, Citoyen Pyromane. Voilà, ben, à très bientôt, que le rock'n'roll soit avec vous.

la close. Les flaws are dead. And I look like a ghost because she's gone away. Got the bad blood in my head. Tonight I let down my evil blood. Evening has gone, morning is soon. Yeah. Yeah.